Section 30 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Stéphanie. La lecture, tome 6e. Section 30. L'immortel par Alphonse Daudet. Chapitre 14. Mademoiselle Germaine de Frédé, Villa Beauséjour, Paris-Passy, Fée d'Orsay, 11h en déjeunant. De 2 heures en 2 heures, plus souvent si je le peux, je t'enverrai ainsi une dépêche bleue, autant pour apaiser ton angoisse, sœur chérie, que pour la joie d'être avec toi tout ce grand jour, que j'espère bien terminer par un bulletin de victoire, malgré les défections du dernier moment. Un mot de Lani Boire que Pichural me répétait tout à l'heure. On entre à l'académie, l'épée au côté, non pas à la main. Allusion au duel Astier. Ce n'est pas moi qui me suis battu, mais l'animal tient à son trait d'esprit bien plus qu'à la promesse qu'il m'avait faite, ne pas compter non plus sur d'Anjou. Après m'avoir tant de fois dit « Soyez des nôtres !» Ce matin, au secrétariat, il vient de me chuchoter un « Faites-vous désirer !» qui est peut-être le plus joli mot de son répertoire. N'importe, je l'ai belle. Mes concurrents ne sont pas à craindre. Le baron Huchenard, l'auteur des Habitants des cavernes, de l'Académie française. Mais Paris se soulèverait. Quant à monsieur d'Alzon, je le trouve bien osé. J'ai son livre, son fameux livre, entre les mains. J'hésite à m'en servir, mais qu'il prenne garde. 2 heures. À l'Institut, chez mon bon maître, où j'attendrai le résultat du vote. Est-ce une idée? Il me semble que mon arrivée, annoncée pourtant, a dérangé quelque chose ici. Nos amis achevaient de déjeuner. Un remue-ménage. Des portes jetées, Corentine. Au lieu de m'introduire au salon, me poussant dans les archives, où mon maître m'a rejoint, l'air gêné, parlant bas, me recommandant la plus grande réserve, et si triste. Aurait-il de mauvaises nouvelles? Non, non, mon cher enfant. Puis une poignée de main. Allons, bon courage. Depuis quelque temps, le pauvre homme n'est plus le même. On le sent débordant de chagrin, de larmes qu'il refoule. Quelque peine secrète et profonde où ma candidature n'est pour rien. Mais dans mon état d'esprit, plus qu'une heure d'attente, je me distrais à regarder, de l'autre côté de la cour, par la plus grande baie vitrée de la salle des séances, des files de bustes d'académiciens. Est-ce un présage? 3 heures moins un quart. Je viens de voir défiler tous mes juges. 37, si j'ai bien compté. L'académie, au grand complet, puisque Pinchard est à Nice, Ripaud Babin dans son lit et Loisillon au Père-Lachaise. Superbe l'entrée en cour de tous ces illustres. Les jeunes, lents et graves, la tête inclinée, comme sous le poids d'une responsabilité trop lourde. Les vieux, pourtant beaux, la jambe vive, quelques goutteux et rhumatisants comme Courson-Launay, faisant avancer leur voiture jusqu'à l'escalier, s'appuyant au bras d'un collègue. Ils attendent avant de monter, causent par petits groupes, avec des mouvements de dos, d'épaules, de grands gestes à main ouverte. Que ne donnerais-je pas pour entendre cette discussion dernière de mes chances? J'entr'ouvre doucement la fenêtre, mais une voiture chargée de mal entre à grand fracas dans la cour. Descend un voyageur en fourrure, bonnet de loutre. Épinchard, ma chère. Épinchard débarquant de Nice exprès pour m'apporter sa voix. Brave cœur. Puis mon maître est passé, voûté sous son chapeau à large bord, feuilletant l'exemplaire de « Toute nue » que je me suis décidé à lui remettre, pour le cas... Que veux-tu? Il faut se défendre. Plus rien sous les yeux que deux voitures qui attendent, et le buste de Minerve en faction. Protège-moi, déesse. Là-haut commence l'appel nominal et l'interrogatoire. Chaque académicien devant affirmer au directeur que sa voix n'est pas engagée. Simple formalité, comme tu penses, à laquelle on répond d'un sourire négatif, d'un petit dos de linage, de magot de la Chine. Quelque chose d'inouï. Je venais de donner ma dépêche à Corentine, et je respirais à la fenêtre, essayant de lire, dans la sombre façade vis-à-vis, le secret de ma destinée, quand j'aperçois, à la croisée voisine de la mienne, Huchenard, prenant le frein aussi, me touchant presque. Huchenard, mon concurrent, le pire ennemi d'Astier-Réhu, installé dans son cabinet. Aussi saisis l'un que l'autre, nous nous sommes salués, puis retirés d'un même mouvement. Mais il est là. Je l'entends, je le sens derrière cette cloison. Bien sûr, il attend comme moi la décision de l'Académie, seulement au large de l'ancien salon Villemain, tandis que j'étouffe dans ce trou encombré de vieux papiers. Maintenant, je m'explique le désarroi de mon arrivée. Mais pourquoi? Comment se fait-il? Chère sœur, ma tête s'égare. De qui se moque-t-on ici? Désastre et trahison. Basse intrigue académique dont je n'ai pas encore le mot. Premier tour. Baron Huchenard, 17 voix. Dalzon, 15. Vicomte de Friday, 5. Moser, 1. Deuxième tour. Baron Huchenard, 19 voix. Dalzon, 15. Vicomte de Friday, 3. Moser, 1. Troisième tour. Baron Huchenard, 33 voix. Dalzon, 4. Vicomte de Friday, 0. Moser, 1. Évidemment, entre le second et le troisième tour, l'exemplaire de toute nue a dû circuler. Au profit du baron Huchenard, l'explication, je la veux, je l'exige. Je ne sortirai pas d'ici sans qu'on me l'ait donnée. 4 heures. Tu penses, ma chère sœur, quelle émotion, lorsqu'après avoir entendu dans la pièce à côté monsieur et madame Astier, le vieux Réhu, tout un flot de visiteurs félicités, congratulés, l'auteur des habitants des cavernes, j'ai vu s'ouvrir la porte des archives, mon maître s'avancer les mains tendues. Pardonnez-moi, cher enfant, la chaleur, l'émotion. Il suffoquait. Pardonnez-moi, cet homme me tenait par la gorge. J'ai dû. Je croyais détourner le grand malheur qui me menace, mais on n'évite rien de ce qui est écrit, même au prix d'une lâcheté. Ses bras ouverts, je m'y suis jeté sans rancune, sans même bien comprendre cette peine mystérieuse qui le poignait. En définitive, tout se réparera bientôt pour moi. J'ai les meilleures nouvelles de Ripobabin. Il est douteux qu'il passe la semaine. Encore une campagne, ma chère sœur. Malheureusement, le salon Padovani sera fermé tout l'hiver pour le grand deuil. Il nous reste, comme champ de manœuvre, les jours de mesdames Astier, Ancelin et Visa, dont les lundis ont été décidément lancés par le grand-duc. Mais avant tout, sœur chérie, il va falloir déménager. Passy est trop loin. L'académie n'y vient pas. Tu diras que je vais encore te trimballer. Mais c'est si important. Regarde Huchenard. Pas d'autre titre au fauteuil que ses réceptions. Je dîne chez mon bon maître. Ne m'attends pas. Ton frère tendre, Abel de Friday. L'unique voix de Moser, à tous les tours, est celle de Laniboire, rapporteur d'un prix de vertu. Il court à ce sujet une anecdote. D'un lest, c'est égal. Les dessous de la coupole. Quelle comédie. Fin de la section 30.